Seigneur, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache. ...57 rue de Varennes. Quatrième épisode. Mes amis, les problèmes s'accumulent pour le Premier ministre Pierre-Yves Gerland. Après avoir appris que son ministre de la Santé, Jean-Philippe Belansky, a été enlevé pendant ses vacances au Botswana, un nouveau scandale éclate au sujet du ministre des Finances. Ayant reçu une lettre de revendication pour l'enlèvement du ministre de la Santé et une phalange de celui-ci comme preuve, Pierre-Yves Gerland demande à son directeur de cabinet d'organiser un rendez-vous secret avec le mystérieux colonel Michaka. Après une si difficile journée et avant sa rencontre avec le colonel, le Premier ministre profite d'un bon dîner avec un ami journaliste. Nous sommes le lundi 10 janvier. Il est minuit. Les deux hommes finissent leur dîner sous la véranda, face au magnifique jardin de Matignon. La bouteille, Christophe ? Non, merci, Pierre. Tant pis pour toi. Oh, il est excellent. À 2000 euros la bouteille, si peu. Je croyais que tu avais revendu les caves de Matignon pour participer à l'équilibre des comptes publics. Quelques caisses se seront perdues dans l'inventaire. C'est pas en me privant de quelques Lafite Rothschild 90 qu'on va boucher le trou de la sécu. Un petit cigare pour finir. Depuis quand tu fumes le cigare ? Depuis toujours, et jamais en public. Alors, t'en veux un ? Cohiba par ta gasse. Non, merci. Je veux bien t'aider à vider la cave de Matignon, mais comme tu le sais, un patron de presse de gauche ne peut décemment pas accepter un cigare. Oh, oh, t'as tort. Rien n'est trop beau pour la classe ouvrière. Prends au moins un dernier verre. Ok, mais c'est vraiment pour pas gâcher. À la santé des masses laborieuses. C'est sûr que si j'avais choisi le Figaro, je serais pas obligé de me taper tous les ans les merguez dégueulasses de la fête de l'humain. À propos du Figaro, je les ai appelés tout à l'heure pour lâcher une info qui va faire l'effet d'une bombe. Et que je dois aussi t'annoncer. Je me doutais bien que tu m'avais pas invité pour profiter de ton pinard. J'adore dîner sous cette véranda. Par une nuit claire comme ce soir, on a une vue incroyable sur les jardins. C'est vrai que c'est magnifique. Le plus grand jardin privé de Paris. Plus grand que celui de l'Élysée. Oh. Tu veux faire un tour ? Maintenant ? Bah oui, ça nous fera digérer. Puis tu ne seras pas incommodé par la fumée. Habille-toi, ça pète. Alors, superbe, non ? Le président est jaloux. J'ai fait refaire tout l'éclairage. Au moins, je profite de la vue depuis mon bureau quand je travaille la nuit. Et tu peux t'y balader toute la journée ? Oh, pas vraiment. Ma journée, les plantations laissent à désirer. C'est un arbre, un flic, un arbre, un flic, un arbre, un flic. Bon, on va pas causer horticulture jusqu'au carême. C'est quoi ton scoop ? C'est pas une exclue. Le Fig et le Parisien sont courants. Ce qu'on s'est raconté pendant le dîner, c'était du off. Ce que je vais te lâcher, là, c'est secret défense. Me dis pas que tu me fais confiance, je te croirai pas. Belansky s'est fait enlever hier pendant ses vacances au Botswana. C'est une blague. Alors, elle est pas drôle. On vient de recevoir un courrier avec une de ses phalanges. Putain. Monsieur, Armel vous fait dire que votre rendez-vous sera là dans 10 minutes environ. Ok, merci Michel. Dites-lui que j'arrive. Et excusez-moi, mais il faudrait nous prévenir quand vous sortez dans le jardin. Surtout la nuit. Je sais, Michel, je sais. Christophe, je te présente. Michel, mon officier de sécurité. La nounou la plus baraquée de Paris. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et qui est-ce que tu reçois, Pierre-Yves, à minuit passé ? Tes visiteurs du soir ? Là, c'est Motus. Et tous les mêmes, les journaleux. On vous montre le jardin ou vous voulez visiter les cuisines ? Bon, Christophe, fin de la visite. Même consigne que pour les autres. Je t'ai filé l'info, mais je compte sur toi pour que rien ne sorte avant mercredi. C'est énorme. Merci, ça nous laisse 2 jours pour rédiger sa nécro. T'es vraiment une pourriture. Monsieur, il ne faut pas rester là. On y va, Michel, on y va. Rentrons le chimpanzé dans sa cage. Oui, Armel ? Le colonel Michaka est arrivé. Ah, très bien. Faites-le passer dans mon bureau. Et prévenez Christian. Bien, monsieur. Après ça, est-ce que je peux rentrer chez moi ? Pourquoi ? Quelle heure il est ? Bientôt 00h30. Déjà ? Oui, bien sûr, Armel, rentrez chez vous. Vérifiez qu'il y a quelqu'un à la permanence et filez. Oui, monsieur Verler a pris la permanence il y a 1/2 heure. Ça va me permettre d'attraper le dernier métro. Très bien. Au fait, remerciez votre fille pour son dessin. Dites-lui que ça m'a fait très plaisir. J'essaierai de lui envoyer un petit mot. C'est très gentil, mais c'est pas la peine. Je lui dirai que vous l'avez regardé, elle sera très fière. Bonne soirée, monsieur. Oui, merci. Ah, Armel ! Oui. Pardon, vous pouvez noter une dernière chose pour demain matin. Il faudrait me trouver un beau bouquet de fleurs. C'est noté. Je le fais livrer à votre épouse ? Non, non, c'est pas pour Isabelle. D'ailleurs, par la même occasion, prenez-en un aussi pour elle. Un beau. Avec ces fleurs qu'elle aime bien, toutes blanches. Des arômes. Oui, c'est ça. Pas vraiment la saison, mais je vais me débrouiller, monsieur. Et le premier bouquet, je le fais livrer à qui ? À Laurence. Laurence Vignon ? Votre conseillère presse ? Oui. J'ai un truc à me faire pardonner. Je lui remettrai moi-même. Et ça passe sur mes deniers personnels, évidemment. Bien, monsieur. Et mercredi, si je n'ai rien de prévu, réservez-moi une table pour un déjeuner avec ma femme. Essayez de nous trouver quelque chose de cosy, hein ? Et pas trop loin du bureau, si possible. Chez Arpège ? Ah, excellente idée. Elle sera ravie, elle adore les légumes. Et ne dites pas à Isabelle où on déjeune, je lui ferai la surprise. Faites-lui livrer son bouquet mercredi matin. Bien, monsieur. Autre chose ? Non. Cette fois, c'est tout, je crois. Merci beaucoup, Armel. Vous pouvez rentrer chez vous. À demain. Merci, monsieur. Bonne nuit. Bonjour, colonel, installez-vous. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Oui, bonsoir, évidemment. Mon directeur de cabinet va nous rejoindre. Ah ben, le voilà. Entre, Christian. Le colonel Michaka, Christian Perron-Chevalier, mon directeur de cabinet. Bonsoir. Mon colonel. Vous vous êtes déjà parlé, mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà rencontré. Si, si. On a fait 1 ou 2 réunions ensemble pendant la crise des otages en Angola. Parfait. On va pouvoir entrer directement dans le vif du sujet. Je suppose que vous connaissez la situation, colonel, et que vous savez pourquoi je vous ai demandé de venir. Oui, je me suis permis de faire quelques recherches et de vous rédiger ce mémo pour le montage de l'opération. Vous avez tout prévu. Parfait. Tu en penses quoi, Christian ? Le budget est un peu élevé, mais c'est toi qui décides, Pierre-Yves. J'imagine que vous avez calculé au plus juste, n'est-ce pas, colonel ? Après tout, ce sont les fonds spéciaux, mais ça reste l'argent du contribuable. Et pour ce qui est de votre équipe et du matériel, moins j'en sais, mieux je me porte. Et pour le transport, je suis quand même un peu étonné, colonel, que vous nous demandiez un TBM 700. C'est pas plus simple qu'on vous mette un Falcon à dispo ? Je préfère le TBM, comme ça je peux piloter moi-même. Il y a un peu plus de 8500 km de Villacoublé à Gaborone, et l'avion a une autonomie de 3200 km, un peu moins avec le chargement. J'ai prévu une première escale en Algérie et une seconde au Congo, où je dois récupérer 2 gars de mon équipe. De là, on peut atteindre n'importe quel aérodrome au Botswana, y compris sur une piste de brousse. Ce qui n'est pas possible avec un Falcon. Bon, va pour votre coucou. Je suppose que vous ne voulez pas de passeport diplomatique. Surtout pas. Et C'est quoi ça? Accès aux données du programme Helios 2. Non, ça c'est niet. Mais c'est quoi Helios 2? C'est un programme de satellite de reconnaissance. Ça permet en gros de faire des photos haute résolution d'à peu près n'importe quel point du globe. Mais c'est géré directement par la DGSE. Mais comment tu connais tout ça, Christian? 15 ans de préfectoral. Et j'ai été le premier civil nommé secrétaire général à la Défense nationale. À l'époque où ça s'appelait encore le SGDN. Nommé contre l'avis de tout l'état-major, si mes souvenirs sont exacts. Naturellement. Enfin, presque tout l'état-major. Les militaires m'ont pourri l'existence pendant 3 ans, mais j'ai tenu bon. Ils ont quand même fini par avoir ma peau. Je l'ai vendue chèrement. J'ai réussi à faire bouffer leur képi à quelques-uns de vos supérieurs, mon colonel. Bon, je sais, on parle encore de vous avec beaucoup d'affection dans les couloirs de la piscine. Quelle piscine? La piscine, c'est un des surnoms qu'on donne à la centrale de la DGSE. Ah, l'humour des militaires m'a toujours échappé. Bien, messieurs, c'est très touchant vos retrouvailles, mais que fait-on en définitive pour cette histoire de satellite? Je maintiens mon avis. C'est impossible d'avoir accès aux données Helios dans le dos de la DGSE. S'ils s'en aperçoivent, ce sera un casus belli. Mais moi, Matignon, je peux lui demander ces photos satellites. On peut les refiler en sous-main au colonel dès qu'on les a. Bon, autre chose, colonel? L'argent? Ah, l'argent, toujours l'argent. Civil et militaire, vous avez tous le même mot à la bouche. Combien de temps il te faut, Christian, pour rassembler cette somme en liquide? Il faut envoyer un motard, ça prendra une grosse demi-heure. Un peu plus si vous voulez des coupures usagées. Ce ne sera pas nécessaire. Parfait. Si on s'est tout dit, colonel, vous pouvez donc partir dans une demi-heure. Bonne chance. Vous avez 48 heures avant le Conseil des ministres. Mercredi, toute la presse sera au courant. Merci à tous. Plus personne n'a de questions ou de remarques? Non, monsieur le président. Alors la séance est levée. Ah, s'il vous plaît, un dernier petit rappel. Aujourd'hui, exceptionnellement, je dis 2 mots sur le perron. Je vous demande à tous d'attendre que je sois retourné dans mon bureau pour sortir. Vous montez dans vos voitures. Vous prenez vos mines de circonstance et vous ne répondez à aucune question. Et dans les jours qui viennent, si vous êtes interrogé sur l'affaire de Bercy, j'attends de vous que vous fassiez montre d'une solidarité sans faille. Alors, s'il vous attaque là-dessus, bottez en touche et parlez de Belansky. Soulignez la gravité de la situation, etc. D'accord. Merci à tous. À la semaine prochaine. Monsieur le Président, est-ce que je peux vous parler une minute? Oui, dis-moi. Pablo et Pierre-Yves, vous pouvez venir aussi, s'il vous plaît? Oui, quoi? Si tu veux. Voilà, écoutez, j'ai bien conscience que j'ai très mal géré cette affaire d'appartement. Je pensais pas que ça prendrait des proportions pareilles. D'ailleurs, j'aurais dû m'en occuper moi-même. C'est fait. On s'en fout de ton mea culpa. Maintenant, il faut que tu gères, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Pour être clair, je voudrais être sûr que je peux compter sur vous pour ne pas me planter de couteau dans le dos. Oh, je t'arrête tout de suite. Le président a été on ne peut plus clair. Solidarité gouvernementale. Et Pablo a raison. C'est d'abord à toi de te sortir de ce pétrin. Alors viens pas nous faire un procès d'intention. Bon, gardez vos nerfs. On va la sauver, ta tête. Belansky nous offre une respiration inespérée. Ils ont un os à ronger. Pendant ce temps, tu répares les dégâts. Tu fais acte de contrition, tu rends l'appartement et tu renvoies le petit personnel. Et en attendant que ça se tasse, tu ne sors plus de ton bureau et tu gardes le nez dans tes dossiers. Ce n'est pas le travail qui manque à Bercy. Oui, j'ai annulé tous mes déplacements pour éviter les journalistes. Très bien. Ça te laisse le temps de choisir une bonne agence de com. Dans 3-4 jours, tu donnes une interview aux 20h pour faire ton acte de repentance. Non, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression que certains en profitent pour me mettre encore la tête sous l'eau. De quoi tu parles? Écoute, je ne vise personne en particulier. Mais depuis 2 jours, des infos sortent un peu partout, non seulement sur mon appartement, mais aussi sur mon patrimoine, sur celui de ma famille, celui de ma femme. Non, ça va, on a compris, tu vises personne en particulier, mais tu penses à moi de manière générale. Évidemment, Pablo, que je pense à toi. Et j'aimerais savoir quel jeu tu joues. Mais tu crois que j'ai j'aimerais savoir quel jeu tu joues, avant de croire quoi que ce soit. Non, mais tu crois que j'ai que ça à foutre de m'occuper de ton palace et de ta boniche? Messieurs, cessez immédiatement vos accusations stériles! Que je n'ai pas à y revenir! Bon, Stéphane, avant de t'en prendre à la place Beauvau, tu devrais déjà faire le ménage à Bercy. Je te rappelle que c'est de ton propre cabinet que viennent les fuites. Et Pablo, je te demande, comme aux autres, de le soutenir, quoi qu'il arrive. Maintenant, vous m'attendez tous les trois ici. Je descends sur le perron, je remonte dans 3 minutes. Monsieur le Président, je pense que ce serait bien que je sois à côté de vous pendant votre déclaration. Dans ce cas, je veux y être aussi. Belensky, c'est quand même d'abord une affaire de sécurité publique. Je crois pas, Pablo. Si tu viens, il faut faire venir aussi la défense, le quai, ça va être confus. Je garde ma première idée, j'y vais seul. Non, je me permets d'insister, Monsieur le Président. Ce serait bien que je sois là pour incarner la solidarité gouvernementale. Entendu. Mais vous êtes pénibles tous. Pierre-Yves, tu m'accompagnes, mais tu restes un pas derrière. Okay. Et Pablo, ne fais pas cette tête. Tu as bien assez d'occasion de parler aux journalistes. On est prêt, Monsieur le Président. Bon, allons-y. Et dehors, pour tout le monde, c'est visage fermé et pas de commentaires. Nous sommes le mercredi 12 janvier, il est midi passé de 15 secondes. Le point sur l'actualité avec Eugénie Grimbert. Bonjour Eugénie. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'information du jour, c'est bien sûr l'enlèvement du ministre de la Santé, Jean-Philippe Belensky. On retrouve en direct de l'Élysée Sylvie Clermont. Sylvie, le Conseil des ministres vient de s'achever. On attend une déclaration solennelle du président d'une minute à l'autre. Oui Eugénie, je me trouve actuellement dans la cour d'honneur du palais de l'Élysée. Je suis ici avec une foule de journalistes. Nous sommes rassemblés derrière les barrières, sur la gauche du perron. Le président devrait d'un instant à l'autre prendre la parole, ce qui, je vous le rappelle, est tout à fait exceptionnel. Alors, un micro a été placé sur ce perron. La garde républicaine est en place sur l'escalier d'honneur depuis plusieurs minutes. Nous attendons le président de la République. Il règne ici une grande agitation. On voit entrer et sortir les huissiers et... Ah, voilà le président qui apparaît sur le perron. Il est accompagné du Premier ministre. Tous les deux ont les traits tirés. Il faut dire que la nuit a dû être longue. Les visages sont graves. Le président s'avance. On sent qu'on a voulu donner à cet instant toute sa solennité. Mesdames et messieurs, tout de suite le président de la République. J'ai le regret de vous confirmer que les autorités françaises sont actuellement sans nouvelles de Jean-Philippe Belensky, qui a disparu pendant ses vacances au Botswana. Mes pensées vont d'abord à son épouse Véronique et ses enfants. Je me suis entretenu ce matin avec le président Massiguet, qui s'est engagé à tout mettre en œuvre pour retrouver le ministre. Tous les services de l'État français sont également mobilisés pour atteindre cet objectif dans les meilleurs délais. Aucune piste n'est privilégiée et les recherches s'annoncent difficiles. Mais si l'hypothèse d'une entreprise terroriste était confirmée, les responsables de ce probable enlèvement doivent savoir que le bras de la justice française ira les chercher où qu'ils se cachent. Toutes les forces de la République sont dès à présent engagées dans ce combat et nous les traquerons sans relâche jusqu'à ce que Jean-Philippe Belensky soit rendu à ses proches sain et sauf. Je vous remercie. Aucune déclaration à faire. Premier ministre, confirmez-vous l'enlèvement, s'il vous plaît, monsieur. Aucune déclaration à faire. Aucune déclaration. Je vous remercie. Monte, Pierre-Yves, monte. Salut, Christian. Putain, ils sont déchaînés. Démarrez, Michel. On dégage de là, on dégage. Et monsieur, va-t-on ? Chez Arpège, je déjeune avec ma femme. Officier de sécu à tout véhicule d'escorte. On se dirige rue de Varennes, au restaurant L'Arpège. Avant ton déjeuner, voilà la copie du rapport d'expertise de la DGSE. Il faut analyser la lettre de revendication qu'on a reçue à l'ambassade. Elle a bien été écrite de la main de Belansky. Et le bout de doigt ? Les empreintes et l'ADN col. C'est la première phalange de son annulaire droit. Putain, j'espère qu'ils vont pas nous l'envoyer en kit. L'hypothèse des experts, c'est qu'ils ont surtout fait ça pour impressionner le ministre. Sur le bout de doigt qu'on a reçu, il restait des traces d'articaïne. Hein ? C'est un anesthésique local très puissant utilisé en stomato. Et alors ? Et alors, leur hypothèse, c'est qu'ils lui ont tranché le doigt en le laissant conscient et en limitant au maximum la douleur. Oh putain ! Sans doute pour qu'ils puissent regarder l'amputation et soient impressionnés. Oh là là. Ils ont choisi une phalange de la main droite, alors que Belansky est gaucher. Et il y aurait d'autres indices qui prouveraient qu'on n'a pas affaire à des amateurs. Primo, aucune trace d'empreinte ni d'ADN sur la lettre ou l'enveloppe. Deuxio, les ligaments et les articulations ont été découpés très finement. Ouais, parle-moi les détails. En gros, ce que tu me dis, c'est que Belansky est séquestré par des sadiques. Pas des sadiques. Plutôt un groupe bien organisé, déterminé... qui va jouer sur la durée. Ils n'ont même pas formulé de demande pour l'instant. Oh, mais vraiment, une époque formidable. Enfin, au moins avec cette histoire, la presse nous lâche un peu sur l'affaire de Bercy. Ça va, Pierre-Yves ? T'es tout pâle, là. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est juste que j'ai pris plein de trucs depuis hier soir pour tenir. Mon filet de nouveau cacheton, c'est super efficace, mais... la descente est un peu violente. Michel, vous pouvez ouvrir les vitres une minute ? Non, mais c'est bon, je te dis. Je vais manger un bout, ça va aller mieux. Tiens, Michel, mettez-nous plutôt un peu de musique pour changer. Oui, monsieur. Mais on arrive au restaurant dans moins d'une minute. Ben, ça fera toujours 30 secondes de répit. Rue de Varenne, de François Perrache. Quatrième épisode. Hervé Pierre, Binda Ngazolo, Pierre-Alain Chapuis, Vincent Nemeth, Anne Cantino, Marc Barbet, Gilles David, Alain Rimoux, Grégoire Ostermann, Louis-Do de Langzin, Jean-Christophe Lebert, François Perrache, Flora Brunier, Judith Henry, et la présence de Donatien Guillot, Jean-Christophe Fraîche, Pauline Riba, Patrick Mandon, Philippe Cotten, Delphine Léonard et Elodie Fiat. Bruitage Sophie Bissens. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Remerciements à la SGDL, Société des gens de lettres, pour leur accueil amical. Stagiaire, Julie Guichard. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmond et Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Yael Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossier. It's bad, you know.